Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam kamu. Kita dah cerita kain. Saya akan dah masuk muho. Ay satu man. Ay satu jomba. Second size. Kami istabe. Nukume uban maka. Abijan. Wai nukume ke mama anik. Wai nukume ke tato romini. Yang ada ami. Wai nukume ke ami dalam maka kwa. Ske maramano akeme maramano kutu kene ken kene baile ni kume kekeri naita gele ni kume kekeri naita keta ke gere sokoba kemene ni kume ke igande su prepare tout ça le menu kume ke wore ni mama chere ni tinu ku kera mama chi maramano le ni kume kekeri uho Naika. Get your mama back, what? Either Nukumeke guy, mean chilling deep for soup, Nukumeke ya for me to sell. Well, Mama Chike, who can win a win a woo? Well, Paske no Nukumeke or do me quite to war. Oh, meditating me to sell, come baby, to work it up. Mama knew Nana de Gamagazin, na foot and I'm wounded. Get up to war. Bon, Firandi, au dégât, magasin, au de Firandi, Fakita. Il est keraké, il est keraké, il est keraïka. Il est né keram, bon amour, le cousin, maori. Mamati, il est keraïka. Anime l'on a de grand magasin. Nasi, quand il m'a dit, il s'est pas peur, parce qu'on a arrêté faute, non. Il y a une comique, il y a une gana, quoi. Parce que ma maman, nous, quoi, qu'il y a eu tout. Il y a mon rombé, il y a celui gana. Pigeon, fofosu, gana fofosu qui t'a quitté, y'a y gana, tout ça. Ouais, quelle histoire, ni quoi. Raïdjas, belle que ce mari, histoire, aïsatouma, seconde 16.